La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La voix d'Amos Oz, elle portait loin dans le monde, mais bien entendu pas assez à en juger par la situation chaque jour plus bloquée, plus tendue entre Israël et les territoires palestiniens. Amos Oz aura tenté, autant qu'il a pu et avec les maigres armes qui sont celles de l'écrivain, d'apporter sa pierre non seulement à la construction d'une littérature israélienne avec les membres de la génération dite de l'État, mais également de faire en sorte que les peuples arabes et juifs de la région y vivent en bonne intelligence. Ce pragmatique n'aura pas vu de son vivant la solution à deux États qu'il défendait. Lundi, nous avons raconté son enfance à Jérusalem, le suicide de sa mère et la rébellion contre son père qui l'a conduit au kibboutz à l'âge de 15 ans. C'était avec Marc Laurent lors de notre émission introductive. Hier, c'est de son œuvre et de ses grands thèmes dont il a été question avec l'éditeur Jean Materne et l'universitaire Michel Tauber. Enfin, demain, je recevrai la traductrice française de Oz en la personne de Sylvie Cohen. Puis c'est Olivier Barbaran qui viendra nous parler du livre « Seule la mer », bel exemple d'une narration écrite comme un long poème. Quant à aujourd'hui, en seconde partie, nous parlerons notamment du rapport de Oz avec l'hébreu, sa langue maternelle. Ce sera en compagnie de l'écrivain Gilles Rosier, ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish à Paris. D'abord, en première partie, nous avons la chance d'être en votre compagnie, Avraham Yehoshua. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ce moment à Paris pour présenter votre nouveau roman intitulé Le Tunnel, qui paraît chez Grasset. On vous doit de nombreux livres qui sont pour beaucoup traduits en français, comme par exemple Monsieur Mani en 1990, Voyage vers l'an 1000 en 97, La mariée libérée en 2001, Israël, un examen moral en 2005 et Le responsable des ressources humaines en 2005, tous disponibles aux éditions Kalman Levy. Et vous êtes considéré avec Amos Oz et David Grossman comme l'un des chefs de file de la littérature israélienne contemporaine. Alors évidemment, une des raisons qui font qu'on voulait vous inviter aujourd'hui, c'est que vous avez très bien connu Amos Oz, qui était de votre génération, hein. Vous êtes né en 1936 et lui est né en 1939. Vous avez passé, je crois, 50 années d'une amitié très proche, faite de coups de téléphone hebdomadaires. Je crois que vous vous êtes beaucoup vu également. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Et je peux dire que ce n'est pas seulement 50 ans, c'est 60 ans. 60 ans. Et nous sommes nés à côté, dans le même quartier à Jérusalem, qui s'appelle Kerem Avraham. C'est maintenant devenu un quartier très, très religieux, très noir, très extrême religieux. Mais à l'époque de ma naissance et de son naissance, le quartier était aussi... mais il y avait aussi des laïcs là-bas, il y avait des d'autres. Donc, il y avait de toutes sortes. Et puis, il y avait plusieurs écrivains qui ont été nés là-bas. Et Joseph Agnon, qui était le voisin de Amos Oz. Agnon, il n'était pas voisin, c'est son oncle. L'oncle de son père a vécu dans la même rue qu'Agnon, et puis il ne s'aimait pas du tout, les deux, les Closer. Et ça, c'est les noms d'Amos. Amos, il s'appelait Closer, et puis il a changé son nom quand il est déménagé au kibboutz. Mais en tous les cas, Amos a été né là-bas, mais je ne connais pas. Puis après, nous avons déménagé à un autre quartier à Jérusalem. Mais je pense que la première rencontre était quand j'étais moniteur dans les Boy Scouts à Jérusalem. Lui, il était jeune de 3 ans et demi de moi, mais il était déjà à l'âge de 12 ans après le suicide de sa mère. Et puis il est resté encore un an avec son père qui s'est marié immédiatement. Alors il a décidé de quitter et Jérusalem et d'aller à un kibboutz. Parce qu'il a mal supporté ce remariage. Oui, oui, ça c'était vraiment une action très audacieuse de sa part. très, très courageux, parce qu'il était quand même 13 ans, quelque chose comme ça. Il a été étudié dans le Gymnasia Rechavia, qui était aussi mon école. Et puis, il a choisi un kibbutz, et dans lequel il est venu comme un homme seul, comme un enfant seul, sans famille, pour travailler là-bas et pour étudier là-bas. Et d'où lui est venu ce courage, d'après vous, quand vous en parliez, que vous disait-il? Le courage, je pense, c'était surtout la blessure de la mort de sa mère. Ça, c'est les trois dernières pages de son autobiographie. Une histoire d'amour et de ténèbres? Oui, c'est ça. C'est Sipour al-Ahava v'Choshech, c'est ça le nom en hébreu. Et moi, il y avait maintenant une cérémonie à son honneur, il y a à peu près 3 semaines, à Decameri, et moi je lisais les 3 dernières pages de cet ouvrage. Et j'étais le dernier, et ça c'était vraiment les 3 dernières pages qui décrit la suicide de sa mère et son colère contre elle. Ce n'est pas seulement il était malheureux, mais il était aussi furieux parce qu'elle l'a quitté. Alors tout cela, c'était ce qu'il appelait le blessure. Et puis, ça lui avait donné le courage. Et ce n'était pas facile du tout dans le kibbutz. Et alors, comment était-il ce jeune Amos Oz que vous avez connu par rapport à l'Amos Oz qui nous a quitté il y a un an? Est-ce qu'il a fait une évolution que vous avez du coup vu de l'intérieur? Vous avez peut-être fait une évolution aussi similaire? Non, mais moi je ne le connais pas du tout à cette époque. Mais enfin, entre le moment où vous l'avez rencontré, disons. Il était associé avec les gens que moi j'étais le moniteur de cette classe. Je donnais des cours comme ça aux boys là-bas, sur plusieurs sujets, soit sujet littéraire, soit sujet idéologique. Et lui, il est venu de temps en temps. Et moi, je me rappelle pas de lui à cette époque. Et toujours, il a répété, moi, j'étais votre élève. Comme ça, il m'a dit. Ouais. Vous étiez mon moniteur. J'ai dit, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas notifié, je n'ai pas vu que vous êtes là. Alors, il a dit, j'étais si déprimé, si bas que vous ne pouvez pas me voir. Et alors, finalement, et notre raconte, notre vrai raconte, c'était à l'université. Moi, j'ai déjà fini le BA. Il est venu pour la première année. Et puis, nous avons créé des contacts. Et c'est dès là-bas, il y avait les contacts littéraires et amicaux entre nous. Alors, il y avait des points communs. Il y avait l'amour de la littérature, du coup, de Joseph Agnon, que vous pouviez partager. Oui. Et puis, vous êtes échangé des manuscrits pendant toute votre vie. Finalement, vous avez été peut-être son premier lecteur et il a été votre premier lecteur aussi. Oui. Oui, et ma femme était mon premier lecteur. Alors le deuxième. Sa femme était son premier lecteur, je pense. Mais c'était, et sa femme a dit plusieurs fois, Neil a dit, que quand il a lu mon nouvelle qui s'appelle L'Express Train de Yatir, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, L'Express Train de Yatir, le train de Yatir, oui. c'est une nouvelle surréaliste que j'ai publiée dans la revue Keshet, et quand il a lu ça, c'était avant son mariage, il a dit à sa femme, à son futur femme, c'est comme ça que je voudrais écrire. Elle a répété ça même maintenant récemment. Elle a dit, c'est toi qui as donné à lui les clés de l'écriture qui était différent de la génération précédente. Parce que nous étions, il faut connaître un petit peu les tableaux dans la littérature israélienne. Il y a la génération des auteurs hébraïques qui sont venus dans l'année 20 en Israël, et pour eux, l'expérience majeure était l'expérience de cette transfert de la diaspora à Eretz Israël. Donc c'est la génération de la de la construction de l'État, de l'invention de l'État. C'était même avant, ça veut dire de venir les sionistes qui sont venus, ils étaient très peu, très peu. Ça, il faut quand même regarder les chiffres. Les chiffres, les juifs dans le 20e siècle, les années 20, après la déclaration Balfour, il y avait dans toute la Palestine 50 000 juifs contre un peuple déjà de 14 millions. Le sionisme a été fait par une minorité minuscule du peuple juif. Et tous les écrivains qui commençaient à écrire en hébreu sont venus à cette époque en Israël. Et vous êtes né à Jérusalem, et Amos Oz, il est né aussi à Jérusalem. Donc c'est déjà la première génération, disons, des écrivains vraiment israéliens. Non, il y avait une génération précédente. Non, nous ne sommes pas les premiers ici. Il y avait cette génération qui est le nom principal, c'est Agnon, il y a Bialik, il y a des autres noms principaux que vous ne connaissez pas, mais tant pis. Mais ça, c'était la génération pour laquelle l'expérience majeure était la montée en Israël, ça veut dire venir de l'Europe de l'Est en Israël, avant l'État. Et puis il y avait une autre génération qu'on appelle la génération de la guerre d'indépendance. Et ça, c'était des gens qui ont été déjà nés en Israël, et pour eux, c'était la création de l'État, surtout la guerre de 48 qui était la guerre principale. Nous appartenons à la génération qui s'appelait la génération de l'État. Ça veut dire quand nous sommes devenus écrivains, à l'âge de 18 ans, 19 ans, déjà il y avait l'État. Et on nous appelait la génération de l'État. Et comment elle se caractérise, quels en sont les déterminants à cette génération littéraire-là? Si on peut donner des signes, c'était surtout, il y avait quelque chose surréaliste aussi dans notre écriture, au commencement, pour moi évidemment, pour Amos à sa façon, c'était pas l'expérience sioniste classique, c'était pas la société, c'était pas le socialisme qui était l'idéologie de la génération de la guerre d'indépendance, c'était déjà l'État est là, et puis nous avons été moins idéologiques que les générations qui nous précédaient. Alors les générations qui précédaient étaient peut-être comme la vôtre, d'ailleurs, vous allez nous le dire, une génération authentiquement européenne, et avant même que l'Europe ne soit un projet, c'est en tout cas ce que racontait Amos Oz à Nicolas Demorand dans les Matins de France Culture du 26 février 2004. On l'écoute. Mes parents, mes grands-parents étaient des Européens il y a 80-90 ans. Des Européens vraiment sincères, polyglottes. Ils aimaient la culture, ils aimaient l'art, le paysage, la musique. Pas de la Pologne ou de la France ou de l'Ukraine, mais celle de l'Europe. L'ironie, bien entendu, il y a 70 ans, personne en Europe n'était européen, sauf les Juifs, comme ma famille. Chacun était un patriote russe, patriote français, patriote bulgare. Les Européens uniques, les seuls Européens en Europe, c'était les Juifs. Et c'est pour ça qu'on les a appelés cosmopolites. Parce que pour cette raison, on les a appelés parasites. Pour cela, on les a appelés des gens sans vraiment d'attachement, ou de fidélité, ou même peut-être plus. On les a appelés les intellectuels. Il est intéressant de savoir que le dictionnaire nazi et le dictionnaire communiste avaient en commun ces mêmes termes, cosmopolite, intellectuel, parasite. Mes parents ont été chassés de l'Europe. Heureusement, dans les années 30, parce que s'ils avaient été, avant les années 30, pardon, parce que s'ils avaient été chassés pendant les années 30, ils les auraient tués dans les années 40. Donc, contre leur volonté, ils sont allés à Jérusalem pour construire un pays, construire un État, construire un peuple. זה לא היה הסוף של אהבה לאירופה. C'était pas la fin de leur amour pour l'Europe. הם חשבו, אולי אם אנחנו נבנה עם ושפה ומדינה, peut-être que si on construit un peuple, une langue, un état, כמו בולגריה וכמו comme la Bulgarie, comme la Norvège, אולי ככה אירופה כן תאהב אותנו. Peut-être comme ça, de cette façon-là, l'Europe nous aimera peut-être. Avraham Yehoshua, sur ce que vient de dire en archive votre ami Amos Oz sur l'Europe, oui, les Juifs. Il exagère un petit peu, il exagère, parce que moi je viens d'une famille séfarade, moi je viens d'une famille qui est de cinquième génération de Jérusalem, et ma mère est venue du Maroc, et moi j'étais européenne, c'est-à-dire Europe, l'Europe était ma culture comme c'était la culture des gens en Amérique du Sud ou des choses comme ça. Mais il a aussi tendance de dramatiser les choses, Et en tous les cas, le problème était que quand cette génération qui s'appelait la génération de l'État, dans laquelle il y avait moi, Amos Oz, Knaz, et Chabtaï, et Amalaka Nakabon, Appelfeld, etc., c'était une génération de 5-6 écrivaines qui ont commencé à écrire dans l'année 50, et puis ça a été nommé comme une génération différente de la génération qui était avant. C'était une génération qui a été plus privée, c'est-à-dire il y avait des situations plus privées, questions aussi qui n'étaient pas dans les manières socialistes, idéologiques, c'était moins idéologique à sa façon, et ça c'était cette génération que nous étions associés. Et puis cette génération, je suis maintenant, je me réalise que la majorité, ou peut-être plus par toutes ces écrivaines ont été déjà décédées et moi j'ai resté le seul. Alors sur un plan littéraire, au sein de cette génération-là, vous lisiez donc les uns les autres, quel est pour vous le plus grand roman d'Amos Oz, celui qui vous a le plus touché, ou alors celui qui fait le plus date dans la littérature israélienne? C'était son autobiographie. Moi, il a toujours parlé de cette blessure qu'il a. Donc l'histoire d'amour et de ténèbres, le gros livre. Oui, il a dit toujours, écrivaine écrit de son blessure. Moi, j'ai dit non, moi je n'ai jamais écrit de mon blessure parce que je n'ai pas eu de blessure. J'ai un petit peu mis Amos dans sa façon de ne pas exagérer. Mais lui, il a parlé toujours de cette blessure qui était la suicide de sa mère. Mais il a approché la suicide de sa mère en étapes. Ce n'était pas, ça veut dire au commencement, il n'a rien mentionné cela. Même il a caché le fait qu'elle a suicidé. Il ne voulait pas parler de ça. Il ne voulait pas parler même dans des conversations privées, comme ça, entre amis. Il a caché ça. Mais peu à peu, je peux maintenant noter plusieurs œuvres, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais il y avait plusieurs œuvres qu'on voyait très bien qu'il commence à toucher la blessure en parlant d'une femme qui a été l'électricité, des choses comme ça, mais ce n'était pas quelque chose qui était ouvertement autobiographique. Est-ce que cette difficulté à aborder le point le plus sensible joue dans le fait que on peut considérer qu'une partie de la littérature d'Amos Oz est très métaphorique? Il utilise beaucoup la métaphore. Oui, il a eu une maîtrise assez grande de la langue hébraïque. Et puis, il y avait, ça a été considéré qu'il y avait des niveaux différents dans ses œuvres. Il y avait des œuvres qui n'étaient pas bonnes, à mon avis, n'étaient pas assez développées. Il y avait des œuvres qui étaient magnifiques. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas dans le même niveau. Mais en tous les cas, quand il a approché la blessure et il a raconté sa vie dans cette fameuse autobiographie, ça c'était devenu très très célèbre et très important. Il l'a raconté dans une langue qui est l'hébreu, une langue qu'il aimait particulièrement. Il a un rapport presque charnel avec cette langue-là. Et c'était une langue qui s'inventait aussi à ce moment-là en Israël, d'une certaine façon, qui existait déjà bien sûr, mais qui se construisait quand même au fur et à mesure. Oui, oui, c'est la seule langue qu'il connaissait, ça veut dire comme une langue d'écriture, il ne pouvait pas écrire ni en anglais, et évidemment, c'est notre seule langue, mais la langue dans laquelle il a maîtrisé, et de une façon ou l'autre, a été très importante pour lui, et nous avons cette langue qui a été renouvelée au début du XXe siècle, au début du XXe siècle, nous avons eu quand même des générations d'écrivains qui écrivaient en hébreu et nous avons développé la langue avec notre écriture. Mon pays, c'est la langue et pas le pays. L'hébreu de ce livre, c'est vraiment un des héros de ce livre. Ce n'est pas simplement un outil, un instrument de musique, c'est quelque chose qui s'est passé devant mes yeux. 1700 ans, l'hébreu était une langue morte comme le latin, comme le grec ancien, le grec démotique. Pas mort, elle était une belle endormie. Sous mes propres yeux, en moins de 100 ans, elle est devenue une langue parlée par 7 millions de personnes, plus que le norvégien ou le danois, plus que l'anglais au temps de Shakespeare. Il n'y avait que 4 ou 5 millions de personnes qui parlaient l'anglais du temps de Shakespeare. Je ne veux pas dire que chaque poète de Tel Aviv peut être un Shakespeare en puissance, je ne le dis pas. Nous n'en avons pas plus de 6 comme ça. J'ai forgé un mot 2 ou 3 fois. En transformant un mot en verbe, par exemple. Mais un ou deux des mots que j'ai forgés se trouvent déjà dans le dictionnaire officiel. Un des mots que j'ai créé a été prononcé par un chauffeur de taxi qui ne savait même pas que moi j'étais le père fier et heureux de cet enfant. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'immortalité que l'on puisse atteindre. Un entretien avec Nicolas Demorand, l'hébreu, la langue comme un pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, Abraham Yehoshua? Non. Mais il en parlait beaucoup de ça, il le disait souvent. Il a exagéré là-dedans, je ne sais il pas. Il exagère toujours, j'ai l'impression. Non, la langue était une langue importante, mais pour moi, ce n'était pas quelque chose de miraculeux. Mon père parlait l'hébreu, et ma mère parlait l'hébreu, je vivais dans un endroit hébraïque, et peut-être son père, pour lui, l'hébreu n'était pas son langue naturelle, alors pour cela, il parle de cet miracle de la langue hébraïque. Mais pour moi, mon père parlait l'hébreu, mon grand-père parlait l'hébreu, alors ce n'est pas été la langue, c'était évidemment la réalité israélienne. J'étais très attaché à Kafka aussi comme une source d'inspiration et nous étions assez différents comme écrivains, mais quand même nous étions dans le même groupe et surtout après la guerre de 6 jours nous étions dans la même conception sioniste et nous étions dans le même groupe et militant pour la paix dès 67. Est-ce qu'il était d'ailleurs à ce sujet quelqu'un qui aurait pu dire qu'on ne pouvait pas ou qu'on pouvait difficilement faire de la poésie après la Shoah? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout notre. La Shoah n'était pas importante pour nous comme une source de d'inspiration. Mais non. Il va pas dire. Il a maîtrisé très bien la langue hébraïque et avec la langue, il pouvait faire ce qu'il voulait. Oui. En tout cas, vous vous êtes engagés tous les deux en faveur du processus de paix israélo-palestinien. Je crois qu'Amos Oz avait souvent cette formule « faites la paix, pas l'amour ». Oui, bon, c'est à sa façon, faire la paix par l'amour. Vous n'allez pas jusqu'à dire ça, faites la paix, faites l'amour, non? Oui, parce que c'était à l'époque qu'il y avait la guerre au Vietnam, et les Américains parlaient, fais l'amour, et pas la guerre, etc. Alors il a changé, ça fait la paix. Et à moi, c'était plus lié à la chose des politiques et moi. Ouais. Pendant les 4 années avant la guerre de 6 jours, j'étais ici à Paris, j'étais tout à fait éloigné de tout débat politique. Lui, il était déjà dans le débat politique d'une façon ou l'autre, même avant la guerre de 6 jours. Et puis, après la guerre de 6 jours, il a eu beaucoup de relations avec des leaders. Et il tenait, il pensait qu'il peut influencer les milieux politiques. Alors, dès 67, il a commencé, était un des premiers qui a parlé sur un État palestinien contre l'installation, contre les colonies. Il était dans cette France, il était très courageux parce que la majorité du peuple, ce n'était pas seulement la droite, aussi dans la gauche, il y avait des gens qui parlaient, et plusieurs grandes écrivaines étaient pour les grandes Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il a écrit beaucoup d'articles de journaux. Il s'est fortement engagé. Vous diriez que c'est d'abord et avant tout un écrivain engagé? Il était engagé, nous, moi aussi, à ma façon, nous étions engagés. Mais moi, j'étais obligé d'être engagé après la guerre de 6 jours parce qu'on devait prendre des positions. On ne pouvait pas rester comme ça. Il y avait la question de la grande Eretz Israël. Il y avait la question de la compagnie religieuse nationaliste qui ont commencé à définir le sionisme d'une façon différente. Alors, nous étions obligés d'entrer dans les débats politiques et de proposer quelque chose de réel. Et là, vous publiez justement chez Grasset un nouveau roman, Le Tunnel, traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche. L'édition originale a été publiée en 2018 à Tel Aviv. Est-ce que c'est un roman aussi engagé d'une certaine façon sur ce même sujet? Le mot engagé, c'est un petit peu un mot. Il y a toujours, d'abord, il y a l'histoire. L'histoire est là-bas, mais il y a, on peut utiliser quelques métaphores dans le roman comme des métaphores idéologiques. Ça veut dire la diminution de la mémoire. Ouais. La question des tunnels qui creusent entre identités différentes. Parce que c'est l'histoire d'un ingénieur à la retraite qui commence à perdre la mémoire. Et puis, pour ne pas trop perdre la mémoire, justement, il va reprendre un peu du service et on lui dit de construire une route secrète dans le désert du Negev. Et lui, pour éviter de déloger le campement d'une famille de Palestiniens, il dit non, on va faire un tunnel. Oui, tunnel. L'histoire. Et puis, ça, c'était pour moi une sorte de métaphore parce que nous vivons dans une politique d'identité. Politique d'identité. Je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, en Israël, les politiques d'identité sont très fortes. Arabes, laïcs, religieux de cette sorte. Et hommes, femmes, féminisme, homosexualisme, tout cela. Il y a d'identités différentes. Des communautés. Comment? Des communautés. Communautés. Et puis, alors, moi, je pense qu'on doit un petit peu résoudre cette question d'identité, des minorités et de créer, si on peut dire, des tunnels entre ces identités. Et pour faire un peu de commun. Est-ce qu'il avait eu le temps de lire ce roman, oui, Amos Oz? Il a lu ce roman et moi, je lis son dernier roman. Toujours, nous avons échangé des manuscrits et il a aimé beaucoup ce roman et puis il a mis des notes aussi et je lui avais dit, il était très heureux, j'ai dit à lui, je prends vos remarques avec les manuscrits et je vais les mettre dans mon archive. Il a dit, ah, il était très content. Le roman sur Judéa qu'il a écrit, ça il a commencé il y a plusieurs années, à peu près 10 ans, et il a arrêté et je l'ai encouragé de finir ce roman. Et ça, c'était toujours échange de littérature. Merci beaucoup, Avraham Yehoshua, d'être venu nous parler aujourd'hui d'Amos Oz. Je rappelle que vous êtes donc en ce moment à Paris à l'occasion de la parution de votre dernier roman, Le Tunnel, aux éditions Grasset. Tout de suite, dans la compagnie des auteurs, c'est la chronique d'Alexis Broca. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint au Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. Vous avez fait paraître justement au Magazine Littéraire un article de Maurice Safran sur Amos Oz. Oui, en effet, on a fait paraître ce témoignage de Maurice Safran sur Amos Oz. Maurice Safran en fait raconte dans ce témoignage comment, est-ce que lorsqu'il était reporter pendant la guerre du Liban, il avait tendance à aller voir ce qu'il appelait ses boussoles. Et l'une de ses boussoles, eh bien, c'était Amos Oz qu'il allait voir à Arad, une ville construite dans le Negev. Et c'est un article très intéressant où Maurice Safran en fait s'intéresse notamment au passage politique d'Amos Oz, du nationalisme à la gauche israélienne, et à ce mystère qui est lié sans doute peut-être à une tragédie personnelle. En tout cas, je ne vais pas trop en dire parce que c'est un témoignage très personnel et tout à fait intéressant, inédit. Et qu'il faut lire donc. Et qu'il faut lire dans le Nouveau Magazine Littéraire. Où on peut aussi trouver un dossier ce mois-ci. Mois de février, de quoi s'agit-il? Sur quoi porte-t-il? Alors cette fois-ci, nous avons réalisé un dossier sur un sujet qui est à la fois aussi vieux que l'Académie française et qui est cependant d'une actualité brûlante. Il s'agit des guerres autour du français et de la bonne orthographe. Ah. Comme vous le savez, nous sommes passés d'une langue relativement tolérante dans son acceptation des usages à une langue unifiée et maîtrisée dont les modifications sont examinées à la loupe. Ainsi, vous savez que l'Académie française réfléchit actuellement à la féminisation des noms de métiers, des noms comme autrice ou philosophesse par exemple. Et elle devait annoncer sa décision jeudi 7 février, et cette décision a été remise à la fin du mois. Alors évidemment, on se demande, s'agit-il de la part de nos immortels d'une retraite stratégique avant le lancement d'une petite révolution, comme les y incite une lettre ouverte dans notre dossier qui est signée par les militantes Rebecca M. Salem et Léa Domenac, ou est-ce qu'il s'agit de reculer pour mieux ne pas sauter ? Le suspense reste entier, et d'ailleurs que nous le ressentions comme un suspense en dit long sur notre rapport passionnel à la langue. Et de même, les questions actuelles qui portent sur l'écriture inclusive, qui met des marqueurs de féminité séparés d'un point quand il en manque, ou les questions qui portent sur l'accord de proximité pour que le masculin ne l'emporte plus obligatoirement sur le féminin, eh bien ces questions nous montrent bien que la langue n'est pas seulement un objet de linguistique, elle est un sujet politique. Alors, allez-y. Non, on a par exemple un grand papier de la critique littéraire Eliane Viennot qui nous rappelle par exemple que les noms féminins décrivant des activités prestigieuses, donc autrice, compositrice, poétesse, eh bien ces noms-là, ils ont été supprimés, ils existaient, ils ont été supprimés par les grammairiens. Ceux-ci ont estimé, et là je vais citer un Becherel de 1834, que les femmes s'opiniâtrant à pratiquer ces métiers seraient nommées au masculin pour la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. On voit bien que la vision de la langue correspond à une certaine vision de la société, et on comprend dès lors que des chercheurs, comme Eliane Viennot, cherchent à la démasculiniser. Alors, autre question brûlante, Alexis, c'est celle de l'orthographe et de son adéquation à la prononciation. Voilà, alors c'est une question, elle aussi, très ancienne. Vous avez d'un côté ceux qui sont pour, parce qu'évidemment, ça faciliterait l'écriture, et vous avez d'un autre côté des conservateurs, dont je suis d'ailleurs, qui tiennent que la graphie d'un mot est régie par l'œil, et non par l'oreille. On a notamment un grand papier là-dessus du linguiste Bernard Cerchiglini qui nous rappelle que cette affaire n'est pas du tout nouvelle. En 1542, le grammairien Louis Maigret avait proposé de fonder l'orthographe sur la prononciation et il s'est en suivi exactement ce qui se passe aujourd'hui dès lors que vous ressortez cette idée. Une polémique assez longue et puis en général l'abandon de cette idée. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres choses dans ce dossier, d'autres richesses. Voilà, il y a d'autres richesses. On n'a pas eu beaucoup de difficultés pour trouver des sujets, effectivement, pour décliner le sujet en thème. On a notamment un entretien avec Bernard Pivot, qui est devenu, par la grâce de ses dictées, une sorte d'allégorie de l'orthographe, et qui se montre d'ailleurs un partisan pondéré de l'évolution de la langue. Et puis on a des entretiens avec plusieurs écrivains, notamment Pascal Bruckner, qui est lui opposé à l'écriture inclusive, mais partisan de la féminisation des mots. Ou encore un entretien avec Gauss, l'auteur franco-ivoirien de Debout payé, qui nous raconte son amour sincère et cependant infidèle au français quand il mêle l'écriture classique et la langue plus naturelle et imagée d'un enfant. On a aussi Jean-Luc Mélenchon, ça c'est plus inattendu, mais Jean-Luc Mélenchon a été professeur de français et son rapport à la langue est assez significatif pour que ça justifie qu'on l'interroge là-dessus. Et aussi, on a un article assez très amusant de Jean-Louis Chifflet, reflet, qui nous fait découvrir les richesses du français tel qu'on le parle ailleurs, qui nous dit que, par exemple, au Cameroun, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour voyager, ne vous adressez pas à un long crayon, c'est-à-dire à un intellectuel. Mm-hmm. Voyez plutôt un politique, c'est-à-dire un type débrouillard. Il vous trouvera à coup sûr le tétanos, c'est-à-dire une voiture rouillée, et ainsi, vous pourrez voyager. Voilà. Formidable, on va partir en tétanos. Merci Alexis. Merci Mathieu. Tout cela est bien plus encore à retrouver dans les pages du magazine littéraire. La compagnie des auteurs. Merci de nous écouter au dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain israélien Amos Oz. Nous sommes à présent avec Gilles Rosier, ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish à Paris, mais également romancier, auteur notamment de La Promesse d'Oslo chez De Noël ou encore d'Un Amour sans résistance, disponible en folio. Gilles Rosier est également traducteur, non pas des livres d'Oz, mais d'autres auteurs, comme par exemple de Rachel Chalita et de son roman Comme deux sœurs, qu'il a fait paraître aux éditions de l'Antilope, qu'il a d'ailleurs cofondé avec Anne-Sophie Dreyfus en 2014. Et on repart dans cette émission avec un extrait d'entretien d'Amos Oz par Ali Badou. C'était en 2010. Je me lève le matin, je bois un café, je me mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre, ou je rentre sous la peau de quelqu'un d'autre. Mon travail, c'est de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais lui, si j'étais elle, qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais ressenti, qu'est-ce que j'aurais fait. C'est ce qui lie mon travail politique avec mon travail littéraire. Même dans mon travail politique, je me mets à la place de l'autre. Pas toujours pour lui donner raison. Pas toujours pour m'identifier à l'autre. Mais pour le comprendre. Et comment est-ce que vous choisissez les sujets sur lesquels vous allez écrire ? Tout à l'heure, vous nous parliez de l'importance des rêves dans votre travail de romancier, de votre travail d'écrivain. Souvent, mes histoires naissent des rêves ou des fantasmes. Un lieu imaginaire me remplit. Un lieu que j'ai rencontré en rêve, ou des personnages qui ne sont pas toujours semblables aux personnages que je connais dans la vie réelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de moi, que je les photographie, que je les colle dans un de mes romans. Par exemple, j'ai un voisin qui me dit toujours, avant de passer devant ma fenêtre, il s'arrête un instant et il se peigne. Parce que s'il rentre dans le roman, qu'il rentre bien peigné. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Bonjour Gilles Rosier. Bonjour. Alors on va raconter que vous avez, vous, rencontré Amos Oz. Je ne sais pas si vous avez eu peur d'être mal peigné et ainsi de rentrer dans un de ses livres avec un physique que vous n'auriez pas souhaité avoir, comme certaines personnes qui tournent autour de lui. Ce qu'on entend en filigrane dans cette archive, c'est peut-être tout de même l'importance de l'altérité pour Amos Oz, l'altérité comme une constitution de sa littérature et même probablement de sa vie. Qu'en pensez-vous, Gilles Rosier ? Est-ce que pour vous, vous le ressentez, ça, à la lecture de ses romans ? Amos Oz, il est né en 1940, il est vraiment ce qu'on appelle, il fait partie des écrivains de Dora Medina, c'est-à-dire la génération de l'État, l'État créé en 1948. Comme on le disait aussi avec Abraham Yehoshua. Et à cet égard, il a été un des écrivains soldats de la constitution politique et littéraire et linguistique d'Israël. Et donc, à mon sens, ça se retrouve dans son œuvre. Il y a une mosaïque de personnages extraordinaires dans son œuvre, toutes sortes de gens. Mais il faut dire que son pays l'y a aidé. Parce que Israël est une mosaïque extraordinaire. Il y a des Juifs venus du monde entier, donc des gens de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de tous les accents. Et ça se retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Amos Oz. Il y a une deuxième chose qui me semble assez caractéristique dans sa biographie plutôt, c'est qu'il est né dans une famille dont le père était sioniste de droite, et à l'âge de 13-14 ans, il décide de rompre avec cette ligne et d'aller dans un kibboutz, donc du côté des sionistes socialistes de gauche. Et donc, ça lui a sans doute donné une richesse personnelle davantage que d'autres écrivains israéliens, à savoir qu'il connaissait aussi bien les milieux de droite que les milieux de gauche, ce qui n'est pas fréquent dans un pays assez segmenté. Ce qui fait de lui un homme peut-être du compromis, justement. Oui, je crois qu'il était particulièrement sensible du compromis, mais sans être dans la naïveté, puisqu'il disait souvent, il va falloir, enfin, on dort pas dans le même lit avec des ennemis, et avant d'enlever les barreaux de ma fenêtre, enfin, peut-être que ce sera aux autres de commencer à les enlever les premiers. Enfin, c'était pas quelqu'un de naïf dans le compromis. Mais justement, pour lui, le compromis, c'est le contraire de la faiblesse, parce que il explique que ce mot de compromis est très proche de celui de compromission, alors que pour lui, c'est justement être fort que d'arriver à faire un pas vers l'autre quand l'autre, et uniquement si l'autre, fait un pas vers vous. Oui, et puis c'était quelqu'un, enfin, vous disiez que je l'avais rencontré, effectivement, je l'ai rencontré quelques fois, je le connaissais pas très bien, mais on sentait tout à fait que c'était quelqu'un qui était disposé à parler avec tout le monde, et ça, c'est une grande qualité. Alors justement, vous l'avez rencontré, je crois que c'était la première fois en 2003, à l'occasion de la sortie d'une histoire d'amour et de ténèbres, ce récit donc que Sylvie Cohen, qu'on entendra demain, a traduit en 2004 aux éditions Gallimard, et qui avait d'ailleurs obtenu cette année-là, vous vous en souvenez peut-être, en tout cas nous ici on s'en souvient évidemment, le prix France Culture. Et vous avez raconté dans un entretien que vous avez donné au journal Le Monde au moment de la mort d'Amos Oz en décembre dernier, je rappelle qu'il est mort le 28 décembre dernier d'un cancer, vous aviez raconté le souvenir très vif que vous avez conservé de cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ? Effectivement, inviter un écrivain de langue hébraïque à la Maison de la Culture Yiddish, il fallait trouver quelque chose d'un petit peu futé, disons. Puis on aime bien, à la fois, bien accueillir les gens, mais en même temps, les faire sortir de leur zone de confort, disons. Et donc, Yitzhok Niborski, qui est un grand spécialiste du Yiddish, avait traduit un passage d'une histoire d'amour et de ténèbres, en yiddish. Parce qu'il n'est pas traduit en yiddish, ce livre, intégralement. Non, il n'est pas traduit en yiddish. Comme tout le reste de l'œuvre d'Amos Oz. Non, il y a très peu de traductions. Non, il n'y a aucune traduction. Je pense que ce passage est le seul passage de l'œuvre d'Amos Oz traduite en yiddish. Et comme c'était un passage qui avait très justement avec les origines d'Europe orientale de sa famille, que c'était, je crois, la première fois qu'il y faisait état dans sa littérature de cette lignée qui venait de Lituanie et de Russie. Et donc, ça nous semblait particulièrement pertinent. C'était en accord avec Jean Materne, son éditeur, mais Amos Oz ne le savait pas. Et quand Yitzhok Niborski a commencé à lire, il a été submergé par l'émotion. Et il nous a raconté combien, pour lui, le yiddish était une langue proche et lointaine. C'est-à-dire qu'il est aussi de cette génération à qui il était interdit de parler une autre langue que l'hébreu. Il y avait une injonction nationale, disons. Et familiale, hein, parce que même ses parents n'avaient pas voulu qu'il apprenne d'autres langues que l'hébreu. Oui, alors l'injonction familiale, enfin, les familles constituent finalement la nation, quand on les ajoute les unes aux autres. À l'époque, effectivement, toutes les familles souhaitaient que, ou quasiment toutes, que leurs enfants ne parlent que l'hébreu, ce qui est assez étrange, parce que finalement toute cette génération d'Israéliens a parlé l'hébreu avec des gens qui avaient tous un accent en hébreu et qui parlaient pas forcément l'hébreu très bien. C'était pas le cas de ses parents, qui étaient des bons hébraïsants, mais dans d'autres familles. Et donc, il nous a raconté combien c'était une langue proche et lointaine, donc une langue qu'il a entendue dans les rues de Jérusalem aussi, mais qu'il n'a jamais eu l'autorisation de comprendre et de maîtriser. Et ça, c'était très fort. Mais il n'a pas souhaité, plus tard dans sa vie, apprendre d'autres langues que l'hébreu. Est-ce que vous lui avez posé la question ? Bah, il parlait bien l'anglais, mais bon, l'anglais, c'est presque pas une langue pour un écrivain qui a vocation à être international aussi. Et puis les Israéliens, en général, parlent bien l'anglais. Mais non, je crois qu'une fois de plus, il était l'enfant de sa génération et aussi le représentant de quelque chose pour Israël. C'est-à-dire que c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Hein. Les jeunes Israéliens sont beaucoup plus avides de connaître d'autres langues, mais à l'époque il ne fallait parler que l'hébreu, c'était presque un crime de lèse-État et de lèse-Renaissance que de maîtriser une autre langue que l'hébreu. Mais est-ce que c'était aussi un rapport qui a trait à l'enfance que son rapport avec l'hébreu c'est aussi toute une mémoire proustienne, j'imagine, pour lui que cette langue. Alors, pour préparer cette émission, je regardais quelques séquences où il était interviewé et quelqu'un lui posait la question de savoir pourquoi il n'utilisait pas du tout l'hébreu actuel dans ses derniers livres et faisait une comparaison avec des écrivains comme Edgar Keret qui ont une langue extrêmement actuelle. Et lui disait, je continue à écrire mon hébreu, c'est-à-dire l'hébreu des années 50 et 60, parce que quand vous dites à un enfant israélien, maintenant, il y a 20 ans ou dans 50 ans, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, eh bien, ils comprendront toujours. Tandis que si vous leur dites une phrase en hébreu contemporain, pleine d'argot, venue de l'anglais, de l'arabe et d'un certain nombre d'autres langues, et ben, l'israélien d'il y a 50 ans ou dans 50 ans ne comprendra pas forcément. Donc il y avait cette idée dans son écriture de continuité de la langue et de relation avec la langue de la Bible, qui est très importante aussi pour lui. Alors, quel vous semble justement être le rapport des Israéliens aujourd'hui avec l'œuvre de Amos Oz? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est un chef de file, et y compris pour les plus jeunes lecteurs, ou est-ce qu'on est vraiment passé à autre chose maintenant? Alors, un mois après sa mort, il y a eu dans le journal Haaretz un article donc d'une sommité de la critique littéraire qui s'appelle Dan Miron, qui a été enseignant à la fois à New York et à l'Université hébraïque de Jérusalem, pour descendre en flamme l'œuvre d'Amos Oz. Et un article qui faisait 4 pages ou 5 pages, enfin un truc considérable. Et j'ai vu des réactions par rapport à cet article, et notamment une qui disait « Il était de bon ton dans la société israélienne contemporaine de dire « Je suis pas totalement fan de Amos Oz », mais il était de bon ton de dire ça, parce que c'était un écrivain de qualité et qui a apporté, donc on pouvait se permettre quelques critiques, mais qui a apporté à Israël, notamment en termes de notoriété, en termes de connaissance du pays à l'étranger, parce que c'est vrai que l'œuvre d'Amos Oz parle totalement de la société israélienne. Il a tellement apporté à la connaissance de ce pays à l'étranger que cette critique, finalement, enfin une critique vraiment de spécialiste de littérature, etc., est-ce qu'elle est vraiment fondée ou est-ce qu'elle n'est pas symptomatique de la déliquescence de la société israélienne contemporaine? Mais c'est vrai qu'en Israël, les avis sont partagés de nos jours sur l'œuvre d'Amos Oz. Il y a aussi de la jalousie. Il y a des gens qui disent que finalement, les grands écrivains israéliens, enfin les écrivains très connus maintenant écrivent davantage pour leur traduction à l'étranger que pour le lectorat israélien, qui est un lectorat de quelques millions d'habitants. Donc effectivement, pour faire une carrière où on gagne sa vie, il vaut mieux vendre aux États-Unis ou en Allemagne. Et on entend souvent ça en Israël de la part de gens qui sont peut-être un petit peu jaloux. Peut-être que s'il avait eu le prix Nobel, comme il en a été tout de même question, ça aurait un petit peu changé les choses. On lui reproche peut-être en Israël d'être un peu académique, d'avoir cette écriture finalement peut-être un tout petit peu daté, enfin c'est peut-être ce qu'on lui reproche. Bah, c'est vrai que c'était pas, enfin il a jamais cherché l'originalité. Peut-être que son livre le plus singulier c'est Seule la mer, sans doute, mais en même temps c'est un livre singulier dans la mesure où il est écrit en prose poétique. Mais je relisais quelques passages de la version hébraïque il y a quelques jours. En même temps il est singulier, mais en même temps c'est un livre qui est totalement connecté avec la langue de la Bible, infiniment plus que ses autres livres, d'ailleurs. Et donc, c'est une singularité, mais qui se rattache à la tradition. d'une certaine manière. Alors, tradition, modernité, rapport à l'Israël d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé, justement, avec lui de l'Israël contemporain, pas forcément d'un aspect politique, mais dans ce qu'elle représente aujourd'hui, ce que Israël est devenu? Est-ce que c'était un pays qui lui plaisait toujours autant? Parce que dans son recueil de nouvelles, Les Terres du Chacal, qu'on peut lire aux éditions Stock, il parlait justement de cette crise de la modernité et il critiquait un petit peu ce qu'il considérait comme une modernité israélienne avec, je le cite, le nouveau juif bronzé au physique avantageux, etc. etc. Est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de nostalgie comme ça, peut-être de sa jeunesse ou du temps où lui-même était au kibboutz, où il y avait un autre idéal aussi pour Israël? Qu'en pensez-vous? Alors déjà, le nouveau juif bronzé, il en a fait partie. D'abord, c'était il n'était pas très bronzé, c'était son problème justement. Il n'était pas très musclé, pas très bronzé. Quand vous regardez ses photos du temps où il était au kibboutz, il dégageait quelque chose de très fort. Et comme il était dans les champs toute la journée, il était forcément bronzé, même si à l'époque les photos étaient en noir et blanc. C'était surtout un éternel optimiste, Amos Oz. Dans la mesure où, enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais envisagé de quitter son pays. Donc il a voulu essayer de le réformer de l'intérieur, notamment politiquement. C'est pour ça qu'il s'est engagé dès les années 70, dès les années 80, avec Shalom Arshav et même avant, juste après la guerre de 67. Il est allé faire des reportages sur les soldats de la guerre de 67 et les traumatismes qu'ils avaient vécus, parce qu'ils ont fait une partie de sale besogne, comme dans toutes les armées. Donc là, il en a parlé très librement. Oui, il en a pas. C'est quelqu'un qui avait une parole relativement libre, mais à l'intérieur du cadre sioniste. Ça n'a jamais été un militant et un écrivain qui a voulu se démarquer de la question du sionisme. Il ne remettait pas en cause la légitimité de cet État et la légitimité de la présence des Israéliens au Moyen-Orient, mais toujours dans une certaine forme d'optimisme, en disant qu'on allait trouver une solution. D'ailleurs, la solution, il la proposait les dernières années de sa vie, en disant il faut deux États, c'est la seule solution, donc il en proposait une. Donc c'est un des écrivains les plus traduits dans le monde, et pourtant, dites-vous, aujourd'hui en Israël, ceux qui partagent les opinions d'Amos Oz semblent terrassés. Ça veut dire que, en gros, il a perdu. Ses opinions sont complètement à contre-courant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour l'instant, oui, il semblerait, mais on ne peut pas savoir. Il lui le disait d'ailleurs dans un de ses derniers entretiens en hébreu. Il disait, vous savez, qui aurait pu penser 15 jours avant l'arrivée de Sadat à Jérusalem, que Sadat viendrait à Jérusalem. Donc il disait... Je me trompe peut-être, mais peut-être est-ce que la droite israélienne sera celle qui réussira à trouver une solution. Est-ce que, comme vous l'avez, je crois, suivi en tant que professeur, vous pourriez nous dire un mot de son séminaire, je crois qu'en 1990, c'est ça, Gilles Rosier, vous étiez à Jérusalem et vous avez suivi ses cours de littérature hébraïque. Quel genre de professeur était-il? Alors, à chaque fois que je l'ai entendu à la radio ou dans des rencontres publiques, ensuite, j'ai retrouvé le professeur qu'il était à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il avait un hébreu d'une clarté extraordinaire, ce qui n'est pas le cas des jeunes Israéliens de nos jours. Je crois que c'est plus le cas de sa génération, des gens qui parlaient vraiment la ligne claire, on dirait, en bande dessinée. Et en tant que professeur, c'était quelqu'un d'une grande clarté. Mais quand on l'entend parler de politique ou de littérature, il a toujours des images très fortes, des métaphores extrêmement précises et qu'on parvient à mémoriser. Et donc c'était ce type de professeur, un bon pédagogue. Est-ce qu'il évoquait aussi ses confrères écrivains israéliens? Est-ce qu'il parlait de Grossman? Est-ce qu'il parlait de Yehoshua, qu'on entendait en première partie de cette émission, par exemple? Alors, je dois vous avouer que le contenu des cours, je m'en souviens plus exactement. Il parlait beaucoup de littérature canonique. Donc, Grossman et Yehoshua, c'était ses confrères. Je n'ai pas souvenir qu'il les ait évoqués. Et vous, alors, quel est votre livre ou quels sont vos livres préférés de Amos Oz, Gilles Rosier? Alors, il y en a deux. pas forcément pour leur... Enfin, il y en a un pour sa qualité, c'est Une histoire d'amour et de ténèbres. Mmh. C'est un livre pour moi extraordinaire. Je sais que certains lecteurs ont été un peu déroutés par le début, parce que le début se passe à Jérusalem, dans les milieux des intellectuels d'université hébraïque, les milieux de l'écrivain Agnon, etc. Bon, moi, c'est des sujets que je connais, donc j'avais la sensation de vraiment... Ça m'apportait quelque chose de lire tout ça. Mais la suite du livre, je la trouve magnifique. Le récit du suicide de sa mère et du contre-coup est extraordinaire. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est La boîte noire, parce que c'est le premier roman que j'ai lu en hébreu. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Rosier. Je rappelle que vous êtes écrivain, éditeur et traducteur, spécialiste de la littérature yiddish. De vous, on peut lire par exemple le roman Un pays sans amour, paru aux éditions Grasset en 2011. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Frédérics. Demain, nous parlerons avec Sylvie Cohen de la manière de traduire Amos Oz. Et puis ensuite, Olivier Barbaran évoquera son livre préféré de l'écrivain israélien, Seule la mer. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie sur France Culture avec les lectures choisies et commentées par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Dans un mobile et vertigineux raisonnement, Flora Bonfanti nous exposait son précis du silence et du bruit. Et dans une deuxième partie, aux lieux exemplaires que nous feuilletons tous ces jours-ci, elle décrit, tracte et entraîne avec elle les véhicules d'esprit. Nous avions entamé hier le façonneur et le voleur. La civilisation ne commence pas quand l'homme, ayant taillé le premier silex, l'utilise, elle commence quand l'homme d'à côté saisit ce silex et le fait sien. La la la la la la, cette saisie inaugure la grande déviation. Le premier homme façonne, l'homme d'à côté vole. Façonneur et voleur forment à proportion inégale notre espèce. La la la la la, laissons parler le vent des pages, écoutons. Dans les temps éloignés, les hommes avaient 6 doigts, le 6e était toujours en feu. Il suffisait de toucher du doigt les choses. Programme de la grande déviation. Le plus fort ne sera pas le façonneur, mais le voleur du feu portable. Non, il ne suffit pas de le voler, il faut le garder, le tenir à 2 mains. Le plus fort sera le détenteur du feu portable. Non. Il ne suffit pas de le détenir, il faut le produire. Le plus fort sera le détenteur des moyens de production du feu portable, non pas le façonneur. Et, après nous, il sera le feu portable devenu mobile autonome. Tournons la page. Le façonneur de guillotine meurt guillotiné, disait une rumeur. L'image, faite lame, tranche la tête qu'il avait imaginée. La lame s'offre au premier venu, produit de l'esprit et pure ignorance. L'outil obéit à son créateur, mais pas seulement, il obéit au premier venu. De nombreux mots proviennent du caractère infidèle de nos créatures. L'outil reçoit de l'artisan la science, pas la conduite. Ah, c'est bien ça. Me revient à l'esprit cet avertissement du philosophe Jean-Luc Nancy dans un article paru dans Libération. La démocratie, dit-il, n'emporte plus que le nom et l'idée pour accompagner une gigantesque transformation des conditions de vie de toute la population humaine et plus largement vivante. Cette transformation, elle se nomme technique. Elle comprend aussi bien les techniques financières, juridiques, que les techniques mécaniques ou biologiques et informatiques. Reprenons le cours de nos affaires. Comme disait l'autre, il ne faut pas demander l'heure au thermomètre. Utiliser un outil sans le comprendre, c'est monter sur des échasses. C'est hausser la vision sans croître. Un enfant de 2 ans fait défiler les images de son appareil sans encore manier la langue, il manie la machine. Les échasses sont de plus en plus longues. Un nain sur les épaules d'un géant. Un nain né sur les épaules d'un géant. Un nain qui, depuis la grande déviation, ne peut plus naître sur le sol. Un nain né sur les épaules d'un géant composé d'une infinité de nains les uns sur les autres. Une infinité de nains morts. Les fantômes des nains sont consistants depuis la grande déviation. Les nains passent, leurs fantômes restent. Jacques Bonafé, merci pour la suite de ces lectures de Flora Bonfanti.